Première vacances en famille. Le temps d'arriver à Gainesville, dormir un peu, défaire les bagages, les refaire pour les vacances, voilà la joyeuse équipe en route dans la petite Fiat décapotable, direction la Floride. Maxime, conseillé par ses collègues, a une vague idée des points phares, mais il ne souhaite pas d'organisation stricte. Il n'a pas réservé de chambre de motel afin de conserver un maximum de liberté. On ira au gré des opportunités. Les filles sont supposées manifester leur intérêt si elles trouvent des panneaux intéressants. Le but final du voyage est le parc national des Everglades à l'extrême sud de la Floride. Lors de la première étape, ils visiteront les grottes de Lurie dans l'ouest de la Virginie, une merveille de structures calcaires, stalactites et stalagmites aux couleurs diaphanes. Plus loin, c'est Williamsburg qui leur ouvre ses portes. Fondée en 1632, ce fut la première cité coloniale, à côté de Jamestown, à rompre ses attaches avec l'Angleterre en 1776. Pour l'heure, c'est un musée vivant, un village colonial en l'état où l'on découvre la vie de la capitale de la Virginie avant la proclamation de l'indépendance. Beaucoup de métiers sont représentés. Forgerons, selliers, meuniers ou encore instituteurs, commerçants, juges et avocats, tous en tenue d'époque, travaillant et parlant comme ils l'auraient fait du temps des colons. Il se fait tard déjà au terme de la visite. Il est temps de chercher un motel. C'est chose faite au bord de la James River, dans un endroit rustique, perdu au milieu des hautes herbes, comme Maxime les aime. On y mange un crabe excellent, mentionne le panneau à l'entrée. Mais les filles unanimes font burk à l'idée de dépecer l'une de ces pauvres bêtes. La chambre à quatre lits, presque des paillasses, est correcte si ce n'est les couvertures qui sentent le moisi, quelques blattes dans la douche et un rideau douteux. Au moins, elle n'est pas chère. Les vacanciers sont si fatigués que des anthropodes viendraient leur mordre les pieds, ils ne s'en rendraient pas compte. Au matin, après avoir ingurgité quelques tranches de pain de mie ramollies, à peine recouvertes de gelée de raisin, ils quittent rapidement l'endroit. Quelle horreur! Faire de la gelée avec du raisin? À Raleigh, en Caroline du Nord, apparaissent les premiers palmiers. Faustine admire les filles qui, vivant dans le sud de la France, jouent les blasées. Elles font la moue quand Maxime propose de visiter la seule attraction valable du coin, le musée des sciences naturelles. Elles viennent à reculons, attirées par les dinosaures superbement reconstitués. Excepté sur la croisette, à Nice, elles n'en voient pas souvent. On passe à Fayetteville, qui n'a pour seul intérêt que son camp militaire. On dort à Darien, dans un motel à peine plus sympa que le précédent. La route conduit ensuite les aventuriers de Charleston à Savannah, en Géorgie, encore empreinte du souvenir de la chère Scarlett O'Hara. La la la la. On connaît la musique. Faustine ne se lasse jamais d'admirer ses maisons à colonnades, envahies de glycines, à l'ombre d'arbres séculaires. Elle aimerait bien en visiter une, s'asseoir sous un porche à la nuit tombée, vêtue d'une robe à crinoline et siroter une limonade. Dans une autre vie, peut-être. On passe Brunswick, arrive à Jacksonville. Là commence le sud profond. Le long de la route, de temps à autre, on devine sur des pancartes défraîchies « Negro et chien interdits ». Plus loin, des coiffeurs exhibent une pancarte « For colored only ». Dans certains magasins généraux, les regards scrutent. Ici, il vaut mieux être blanc de blanc. Heureusement que Maxime a les yeux bleus. Parce qu'avec son bronzage et ses cheveux noirs légèrement crépus, il n'a pas vraiment le type caucasien recommandé. L'ombre du Ku Klux Klan plane toujours. Faustine regarde les arbres avec un rien d'appréhension. Elle pense à l'émouvante chanson du Billie Holiday. « Sudden tree bears strange fruits ». Les arbres du sud portent des fruits étranges. La famille se cherche un logement pour la nuit. Les motels se suivent et se ressemblent. Région touristique oblige. Les enseignes défilent sur le bord de la route, arborant crânement leurs panneaux « Air con », tout fiers d'offrir le summum du confort climatisé. Évidemment, cela fait hurler de rire les filles. Elle s'empresse d'évaluer si c'est vrai ou non en regardant la tête du taulier. Hélas, ce que Maxime n'avait pas prévu, c'est que plus on se rapproche du sud, plus les tenanciers de motels qui acceptent la carte American Express sont rares. Elle leur coûte beaucoup trop cher en charge bancaire. Ils préfèrent de loin la Visa. Quant au chèque, il les refuse catégoriquement. Pour Maxime, habitué à vivre à crédit et dans le rouge, cela rend la quête difficile. On perd un temps fou. À Sainte-Augustine, dernière étape avant Disney World, il règne déjà un parfum de Floride. Pour fêter ça, les vacanciers décident de s'arrêter dans une crêperie avec vue sur la mer. L'endroit est désert. Les crêpes sont mangeables, l'incontournable verre d'eau glacée est bienvenu après ces kilomètres de route à sécher dans la décapotable. Les filles insistent pour se baigner. On se change dans les toilettes du resto et en avant toutes. Faustine n'a encore jamais nagé dans l'Atlantique Nord. Il y a des rouleaux énormes. Comme c'est amusant de sauter dedans. Une fois, deux fois, pour pimenter, elle se dit qu'elle pourrait essayer un salto arrière. Elle se positionne face à la vague, remonte avec elle, dont l'idée est d'effectuer un gracieux looping. Chiche ! Le problème, c'est que l'océan ne l'entend pas ainsi. Faustine, cul par-dessus tête, est entraînée par le fond dans un brassage puissant. Le courant est si fort qu'elle n'arrive plus à surnager. Pendant d'interminables secondes, elle bataille, boit la tasse, racle le sable avec sa joue, essaye de remonter à la surface dans une tentative désespérée. Rien à faire, un rouleau en entraînant un autre, la nageuse ne s'en sort pas. Elle se serait sûrement noyée si Maxime n'avait pas volé à son secours, attrapant sa main in extremis. La pauvre fille est à moitié défigurée. Elle a du sable plein les yeux, la bouche et les cheveux. Les malheurs de Faustine en technicolore est tout sauf phonie. Maxime l'engueule à la hauteur de sa peur, lui rince le visage et nettoie ses plaies. Faustine hurle, traumatisant les filles, puis quand elle tente de se mettre debout, aïe, ses lombaires sont bloqués. Son dos n'a pas du tout apprécié sa prouesse et le lui fait cher payer. Pendant les 3 prochaines semaines, elle sera ponctuellement en souffrance. Ça lui apprendra. La recherche de motel ce soir-là est pénible. Chaque chaos lui arrache un cri. La piole que Maxime finit par trouver offre cependant l'immense avantage d'avoir un frigo bien garni. Faustine se soigne à la bière à défaut d'autre chose et ses lombaires en redemandent. Au matin, sitôt les toasts ramollos à la gelée de raisin dévorés, la petite bande visite, dans le centre-ville de Sainte-Augustine, le plus vieux magasin des États-Unis. Un General Store, ou comptoir indien. On y voit des articles disparus depuis longtemps des mémoires. Des produits Apache et Yankee, dont la fameuse lotion miraculeuse vantée dans les Lucky Luke. La boutique est pleine du matériel qu'utilisaient au quotidien les premiers colons. Daphné et Anaïs sont en extase devant les minuscules mocassins indiens, tellement mignons. Tandis que Faustine, de son côté, aimerait bien tester le calumet de la paix. Sortie de là, on décide d'aller voir une ferme de crocodiles. Las, les pauvres bêtes, beaucoup trop nombreuses, sont entassées les unes sur les autres. C'est une vraie pitié. Ici, on suit tout le processus d'élevage, depuis la naissance jusqu'aux sacs et chaussures. Il ne restera aucun survivant. Faustine est écœurée, et il n'y a pas que l'odeur en cause. Vite, partons de là. Le soir même, ils atteignent Orlando. Disney World, The Magic Kingdom. Sur un plan purement anthropologique, c'est une expérience passionnante. L'entrée dans un monde imaginaire mis en scène par un homme quelque peu mégalomane. C'est effectivement magique, comme il le susurre à toutes les sauces. Dans un premier temps, Faustine, comme les autres, parcourt des kilomètres au pas dans la foule compacte, entre boutiques soigneusement disséminées et attractions sensationnelles. Émotion forte garantie. Chacune distille sa propre musique de fond. Les touristes français font connaissance avec les barrières en colimaçon qui peuvent accueillir jusqu'à plusieurs centaines de personnes. Un grand panneau affiche le nombre de minutes d'attente avant d'atteindre le nirvana. Souvent plus de 120 minutes. Mais peu importe, on est là pour s'amuser, pas vrai? observer leur coreligionnaire impavide, ce troupeau géant de moutons à tondre est passionnant, il n'y a pas d'autre mot. Les casquettes à touffes sur les nuques rouges épaisses, les gros godillots vernis et les bermudas, les dégaines, les comportements, tout un poème. Ce qui amuse et attendrit parfois, c'est la merveilleuse naïveté avec laquelle les visiteurs autochtones évoluent dans le parc. On remarque un sourire béat sur chaque visage, petit et grand. Tout est fait par le fric, pour le fric, au prétexte d'émerveiller les enfants et leurs parents. Les Américains, dans ce contexte, jouent le jeu à fond, déterminés à s'amuser sans limite. Leur mec, à eux, du style n'en avoir qu'une, sera celle-là, un summum de réussite qui plus est. Sur le terrain, les animations se succèdent. La parade, le spectacle et, enfin, le feu d'artifice pour clore cette journée, 365 fois unique. On imagine bien la pollution engendrée et la débauche d'énergie. Chacun est pris en charge, guidé, soigné, emberlificoté, dans des montagnes de guimauves. Bien sûr, on s'adresse en priorité aux enfants, les premiers otages, mais on sent que les parents sont plus que volontaires pour se laisser manœuvrer. C'est cette fusion entre arnaqueur et arnaqué qui est extraordinaire, cette volonté délibérée de se confier entièrement aux manipulateurs. Et rien ne leur sera épargné. Depuis les photos en compagnie de Mickey, Minnie, Cendrillon et leurs amis, jusqu'au pissoir payant. Faustine ne saurait mettre les mots sur tout ce qu'elle ressent. Pour l'heure, il fait chaud et soif, ses pieds la torturent. Le surplace dans les files d'attente ne convient pas à ses lombaires récemment chahutées. Oh, bien sûr, elle prend sur elle, que rien ne vienne ternir le moment délicieux. Poussée par les filles, elle fait son premier tour en grand 8. Quelle horreur! Jamais elle n'a eu aussi peur de sa vie. Non, vraiment, elle n'est pas faite pour ses émotions. Payer pour souffrir, ce n'est pas son truc. Elle admire cependant tous ceux qui travaillent dans le parc. Sous le soleil de Floride, Minnie, Mickey, Donald et tous les autres œuvrent en permanence pour que le visiteur entre dans le rêve. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois. Aussi, chaque jour, des centaines de figurants rejouent deux, voire trois fois le même spectacle. Répète les mêmes gestes, les mêmes pas, les mêmes sourires, avec, semble-t-il, le même enthousiasme. C'est ce professionnalisme qui épate le plus Faustine. Elle admire cette pugnacité dont elle serait bien incapable. Si elle savait qu'en plus, ses employés sont payés des cacahuètes. D'une attraction à l'autre, le premier jour s'achève. Il ne passe pas dans les magasins de souvenirs. Le méchant pain hambourgeois de midi, avec ses frites bien grasses, pèse encore lourd sur les estomacs. Ce soir, ils rentrent au motel après s'être arrêtés au Delicatessen. Ils pique-niqueront de tomates au sel et de quelques fruits au bord de la piscine. Le lendemain, rebelote. Ils sont ici pour 3 jours. Ils en auront pour leur argent. Mais cette fois, ils ont enfilé leur maillot de bain et en route pour Waterworld. De loin, le plus amusant des 3 parcs. Assis dans d'énormes bouées, ils sont emportés au fil de rivières tumultueuses, freinés sur des tourbillons avant de poursuivre leur course dans les rapides et de la terminer trempés des pieds à la tête au-delà des chutes. Rien à dire, ce parc est vraiment bien conçu. Il faut leur laisser cela, cette supériorité technologique, cette recherche de la perfection dans tous les domaines. Faustine, aussi dubitative soit-elle par ailleurs, apprécie ce perfectionnisme. Tout est fait pour qu'au final vous ressortiez de là les poches vides, mais content de l'usage que vous en avez fait. Au 3e jour, c'est Epcot que la petite famille visite. Nouvel hymne à la gloire de la grande Amérique, projet expérimental d'une communauté du futur ouvert à l'automne 1981. On y découvre des attractions technologiques impressionnantes, ainsi que les pavillons des nations dont l'architecture est reproduite avec minutie. Le parc se veut éducatif, ce qui contraste avec les autres, plus orientés vers le loisir. Faustine s'enthousiasme, Maxime reste clairvoyant, prétendant que c'est de la poudre aux yeux et incroyablement surfait. Le couple argumente tout au long de la journée, ce qui l'atteint de cris. D'autant que Faustine, agacée, énervée, fatiguée, manquera de peu provoquer une émeute. Patientant devant un stand d'information, elle repère un gamin occupé à pousser subrepticement devant lui, à l'intérieur du dit stand, toutes les boîtes en carton pleines de documentation. Celle-ci tombe quasiment sur les pieds de la pauvre hôtesse, pressée de tous côtés par les demandes multiples. Faustine fusille le gamin du regard. Il est littéralement cloué sur place, la lippe tremblante au bord des larmes. Manifestement, il ignore tous les principes d'éducation. Cela se voit. La mère, ayant fini par remarquer la scène, couine sa rage, suivie par toutes les mères à gosses présentes. Faisant mine de ne pas comprendre, Faustine contre-attaque en français par des insultes bien senties. Maxime intervient, excuse sa femme, la chaleur, vous comprenez, et l'entraîne vite fait au plus loin de la vindicte. Fais gaffe avec ces gens, si tu t'en prends à leur progéniture, tu risques gros. Ah ouais, et au Vietnam ailleurs, ils n'avaient pas peur de les y envoyer, leur précieuse tête blonde. Encore une pierre dans son jardin. Le tout s'accumule au fil de la journée, au point que la jeune femme, à qui Maxime refuse un second verre de vin, hors de prix, sort en courant du restaurant, les plantant là, lui et ses chères filles. Tout ici rappelle une vie de couple, mariage et de famille, enfants, qu'on persiste à lui dénier. À bout de frustration, la jeune femme pleurant sa rage se perd dans le parc. Comme toujours, elle a oublié ses mouchoirs. Larmoyante, la morve au nez, elle parvient finalement à retrouver la voiture. Maxime l'a patiemment attendue à proximité du parking. Les deux filles dorment déjà à l'arrière de la petite Fiat. Le retour au motel se passe dans un silence glacial. Heureusement, Maxime et ses filles ne sont pas rancuniers. Ni Daphné, ni Anaïs ne boudent bien longtemps leur exotique belle-mère, tout de même bien moins pire que celle de Blanche-Neige. Elles ont adoré ces 3 jours de fête et ne tarissent pas d'éloges sur les attractions, tant terrestres qu'aquatiques. Non, vraiment, pour elles, tout a été parfait, et ce n'est pas leur père qui le démentira, éternel héros à leurs yeux. Les vacances reprennent dans la joie et la bonne humeur. On ne saurait quitter Orlando sans une visite à Cape Canaveral et à la NASA. Depuis 1981, le programme du Columbia Space Shuttle est en cours. Il sera le premier vol habité depuis que Apollo Soyuz a été stoppé en 1975. Nos 4 touristes, coiffés de casquettes publicitaires, grimpent dans les petits trains qui font le tour du gigantesque domaine, s'arrêtant à chaque étape intéressante, où un guide répète à journée faite les mêmes explications. Ce n'est pas tant cela qui impressionne Faustine, mais bien plutôt le sérieux que tous ces gens attachent à la sécurité. C'est tout juste si on ne les fouille pas toutes les 5 minutes et si les gars du FBI ou de la CIA ne sont pas collés à leur semelle, comme s'ils étaient des fous dangereux. De vrais paranoïaques, sans doute savent-ils de quoi ils ont peur. Poursuivant leur route, ils s'arrêteront à Fort Lauderdale, dans le parc des Everglades. Ils se laisseront convaincre de monter dans un hydroglisseur puant, répugnant de saleté. Faustine en retiendra la chaleur insupportable, les vapeurs d'essence, et l'unique alligator entrevu, à moins que ce ne soit un crocodile, elle ne saura jamais. C'est caïman pareil, comme dirait l'ami Pierre. Sortie de là, elle admire la luxuriante végétation. Tous 4 sont subjugués par cette route à fleurs d'eau qui relie les Keys, ces minuscules îles dont certaines restent désertes, dans l'extrême sud de la Floride. À Key Largo, ils visiteront le refuge faunique national de Crocodile Lake, puis une forêt de mangroves et sa jungle attenante. Faustine cherchera partout, en vain, des traces du film de John Huston, tourné avec Lauren Bacall et Humphrey Bogart en tête d'affiche, Key Largo. Les vacances tirant à leur fin, ils remontent par l'ouest de la Floride. Le long de la route, ils visitent un musée extraordinaire. Il s'agit des vestiges du cirque Barnum sous forme de poupées en cire. Géants, bicéphales, microcéphales, hommes-troncs, nains et autres anomalies de la nature, tels Annie Jones, la femme à barbe, Tom Pouce et sa femme, les frères siamois Chang et Eng, ou encore l'homme squelette et la femme obèse. À côté de chaque figure moulée, on peut scruter la photo des vrais personnages. Tous ont été utilisés, il n'y a pas d'autre mot, par le cirque au cours de décennies d'exhibition. C'est à la fois répulsif et fascinant. Faustine s'interroge sur ce qui pousse les humains à être, comme elle, attirés par ce genre de démonstration. Plus au nord, berné par une publicité, et aussi parce qu'il est bientôt midi, il s'arrête dans une imitation de village tyrolien. Tiens, si on essayait, ça ne changera des hamburgers. Raté. Dans la fausse taverne bavaroise, la choucroute est carrément dégueulasse. Les knödels immangeables. Courage, fuyons! Pour terminer en beauté, ils assistent à un combat mortel entre cow-boys et indiens dans une petite ville du Far West reconstituée. Devinez qui gagne. N'empêche, les cascadeurs sont impressionnants, les chevaux bien entraînés et la fumée qui sort des revolvers fait tousser tout le monde. Cette fois, on en a assez. On rentre à Gainesville.